Derrière nous au loin disparaît la lune. Le petit matin envahi de brume, comme la fatigue de nos yeux cernés. La route fut longue, la nuit est passée. Assis à l'arrière, les enfants s'éveillent, le regard encore rempli de sommeil. Ils ont un peu faim, parlent de croissants. Devant l'horizon nous paraît plus grand. Le soleil se lève au bout de la route. On est en vacances, y a plus aucun doute. Deux ou trois virages, quelques kilomètres. Ça sent le café derrière les fenêtres. Contact coupé, les enfants s'envolent. On est arrivé, elle est loin l'école. Ils nous ont laissé, quel remerciement. Le coffre a vidé, malgré les croissants. Au solo de Sacantastique, Dom. Mmh.